Entre parenthèses, yo dis mon gon l'autre côté au travail encore. C'est qui côté ça? Ah bon changer. Dans coco si par exemple, il t'a demandé qui service ou fait son adil. Service de nuit. Et si par hasard, il t'a demandé qui j'en fait vin petit comme ça, soit ta répondu. Eh bien, son question de toute la nuit. Recherche, c'est recherche. Pour maman, gâton de nuit, c'est recherche. Va s'endormir, recherche. Une tourne au crayon, c'est recherche. La taille toute la nuit. Pour maman, gâton de nuit, va s'endormir, fin tourne en crayon, la taille toute la nuit. C'est aïe aïe aïe, pour que jouer dans mes mains, pour qu'il soit tout passé. C'est pour qu'il soit jouer tout. Je joue toujours que les jours, pour pas gagner pied. Ou pas planter parce que le pas osé. C'est pour qu'il soit jouer jouer tout. Pour pas tant de voisins n'a pas dégagé l'autre bois. Pour maman. Gâton de nuit, passe à dormir, fin tourne au crayon, la taille toute la nuit. Aïe aïe aïe, souwe, toute la nuit. Et met ton fait papier, ton noir devant, bébé dit m'vine écrit, c'est vif tombe m'taille. C'est regardé moi crayon fini, c'est petit bout de la crête dans même. C'est vrai, toute la nuit. Et met ton fait papier, ton noir devant, bébé dit m'vine écrit. C'est vif tombe m'taille. C'est regardé moi crayon fini, regret ma fini, regret. Allez non, ouais vagabond. C'est bête pour nous respecter, oui. Bon vagabond, employé dans le service hydraulique, il va être là quand même. Il dit bonjour, madame Goubé. Madame dit bonjour, monsieur. Il dit Goubé pas là. Madame dit non, Goubé te fait là. Mais elles font virer. Sans comprendre le vagabond, vous permettez. Oh, mes amis, oh, je viens pour Goubé. Madame dit non, vous pas capable de Goubé, non. Parce que je suis en règle. C'est vrai.